Pareil à des oiseaux, de Armand Sylvestre. Enregistré pour LibriVox.org. Pareil à des oiseaux. Pareil à des oiseaux dont l'aile se colore au feu de l'Occident. Vous irez, ô mes vers, raconter la douceur des printemps aux hivers et redire au couchant les hymnes de l'aurore. Vous irez retracer, à celle que décore l'immuable beauté, les maux que j'ai soufferts, et vous ferez sonner, jusqu'au seuil des enfers, des paradis perdus, le chant doux et sonore. Traversant, grands ouverts, les airs silencieux, vous apprendrez au bois les caresses des cieux, aux brins d'herbe tremblants la tendresse des cimes. Aux mots inconsolés, vous porterez l'espoir, pareil à des oiseaux qui, sous les feux du soir, ouvrent leurs ailes d'or au-dessus des abîmes. Fin du poème. Enregistré par Isade en 2022. Cet enregistrement fait partie du domaine public.